par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment le petit Albert devint-il le grand Einstein ? L'année 1905 fut une année riche. Elle accueillit la mutinerie du cuirassé Potemkin, les créations du Péléas et Mélisande de Schoenberg, de la mère de Debussy, du partage de Midi de Claudel, du garçon à la pipe de Picasso, et la publication par Freud de 3 essais sur la sexualité, ce qui fait déjà beaucoup pour une seule année. Mais dans le domaine des sciences, 1905 fut carrément l'annus mirabilis de la physique. Car c'est alors que se construisit à Berne, au calme, entre brevets, rêveries, soirées amicales, langes et babillages, un univers radicalement neuf que son auteur n'allait pas tarder à présenter à la face du monde. Au terme d'un cheminement dont l'inspiration et le déroulé précis demeurent en partie mystérieux, Albert Einstein, qui n'appartenait ni au sérail universitaire ni à aucune académie officielle, rédigea 5 articles extraordinaires. 4 d'entre eux déploient des idées littéralement révolutionnaires ou contiennent les ferments d'une théorie nouvelle, telles des fusées de repères qui, dans l'obscurité de la nuit, ont soudain jeté un éclair bref mais puissant sur une zone immense et inconnue, comme le dirait plus tard le physicien français Louis de Broglie. Si les historiens spécialisés sont capables de reconstituer avec une grande précision les nappes d'espace-temps qui ont entouré ces jets de singularité, aucun ne parvient jamais à les saisir en eux-mêmes, ni la loi de continuité qui les relie secrètement, ni par quelle exacte série d'événements obscurs la production de cette œuvre fut amenée. Pour autant, est-il légitime de parler de miracle lorsqu'il s'agit de décrire la genèse des idées scientifiques ? N'y a-t-il pas moyen, en fouillant dans les détails, d'un peu comprendre dans quel cadre elles sont apparues, de saisir le contexte qui les a portées et le déclic qui les a fait finalement surgir ? Le vrai génie est sans doute affaire de fulgurance autant que de patience. La clarté finale ne s'éveille qu'après de longs errements, d'indispensables détours, des monomanies apparemment infructueuses, à l'issue desquelles, finalement, d'un seul coup ou presque, tout change. Dans le cas du jeune Einstein, comment tout cela s'est-il passé ? Pour le savoir, j'ai invité Christian Bracco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, maître de conférences à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et vous venez de publier aux éditions du CNRS un livre intitulé « Quand Albert devient Einstein ». Et donc on comprend pourquoi je vous ai invité. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce qu'on peut commencer l'histoire au moment où Einstein, alors qu'il a 15 ans, est élève au lycée de Munich et choisit de démissionner ? Oui. À Noël 1894, il a 15 ans. C'est ça. Alors, on raconte que Albert Einstein, effectivement, est allé voir un médecin de famille pour avoir une lettre attestant d'une forme de dépression, je crois, enfin de difficulté, en tous les cas, pour rester à Munich. Et il demande, en fait, muni de cette lettre, il démissionne, en fait, du lycée Luitpold Gymnasium à Munich pour rejoindre sa famille, donc son père, sa mère et sa sœur cadette Maya, qui sont installées à Milan. Depuis, on va dire, quelques mois, hein, depuis la rentrée 1894. Et Albert fait le choix de rejoindre sa famille. Ça veut dire qu'il était coupé de sa famille, il était seul à Munich. Il était, je crois, laissé aux soins un peu de proches de la famille. Mais en fait... Et on sait pourquoi il a fait cette dépression, il ne supportait pas la discipline militaire. Je ne sais pas s'il a vraiment fait une dépression, disons que c'était un argument objectif, mais je crois que plus tard, il a effectivement insisté sur le fait que le rigorisme et l'ordre qui étaient demandés à l'époque étaient quand même un peu une entrave à sa liberté. Et voilà. Mais je pense que il avait besoin aussi de son cercle familial. Donc il prend le train, il rejoint ses parents. Il prend le train, il arrive. Sans les prévenir d'ailleurs. Sans les prévenir, tout à fait. Il arrive à Milan. C'est ça. Et il retrouve donc ses parents, sa jeune sœur Maya. Et pendant quelques mois, même une année entière, il est déscolarisé. Voilà, il semble qu'effectivement, Einstein le dit lui-même, il n'est pas scolarisé en Italie. Ce qui ne l'empêche pas ensuite de vouloir rentrer dans l'une des plus prestigieuse école de l'époque, hein, qui est toujours une des prestigieuses écoles actuellement, qui est l'école polytechnique fédérale de Zurich. Alors moi, je connaissais cette période italienne, mais je savais aussi qu'on en sait très peu de choses. Et en fait, en lisant votre livre, on apprend énormément de détails sur le lieu où il vivait, sur les activités qu'il a eues. Il a fait de la randonnée, il a joué de la musique, oui. Il a étudié en autodidacte avec l'aide de son oncle, le frère de son père. Oui, l'oncle Jacob. L'oncle Jacob avec lequel le père collaborait pour faire tourner une sorte d'usine de production d'appareils électriques. Oui, ils avaient fondé cette entreprise. C'est Jacob Einstein qui était ingénieur polytechnicien de Stuttgart, qui avait fondé avec Hermann, le père de Albert, en 1880, une première compagnie à Munich, qui peu à peu s'est spécialisée, même assez vite, s'est spécialisée dans la production d'appareils électriques, donc de dynamo électrique. Ils ont vendu également des téléphones. Jacob Einstein avait plusieurs brevets sur des lampes à arc pour l'éclairage électrique. Et c'est l'époque, effectivement, où l'électrification des villes se développe et où des expositions internationales sont consacrées à l'électricité. À la suite de celle de Paris de 1881, peut-être on reviendra... Oui, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travaux d'ingénieurs, beaucoup de publications qui naissent à ce moment-là. Exactement, c'est l'époque où les revues spécialisées pour ingénieurs dans le domaine électrique naissent, comme Elektrotechnische Zeitschrift en Allemagne ou La Lumière électrique en France, qui sont en fait les organes de publication des confédérations d'ingénieurs du secteur qui se forment à ce moment-là. Alors de quoi parle-t-on dans ces revues, Christian Bracot? On parle de... Alors on parle de tube à vide, de dynamo. On parle de beaucoup de choses. Effectivement, bon, les dynamos, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'elles existent, qu'elles sont commercialisées, qu'elles se développent. On parle beaucoup d'électrification puisque c'est vraiment avec les lampes à incandescence, les lampes Edison notamment, mais il n'y a pas que Edison à l'époque, il y a Swan, il y a Maxim, d'autres types de lampes. C'est vraiment l'éclairage électrique qui vient supplanter l'éclairage au gaz dans les villes. Et donc il y a beaucoup d'articles qui sont consacrés à l'éclairage public, également au transport du courant. D'abord le transport du courant continu et ensuite du courant alternatif, donc les lignes électriques. Et on assiste effectivement à plein de brevets qui sont diffusés dans le milieu. Il y a des brèves, il y a des nouvelles des marchés au niveau international. L'information circule à travers ces revues. Il y a une particularité aussi pour la revue française, La Lumière électrique, qui ensuite deviendra Éclairage électrique en 1894. C'est que les ingénieurs sont tenus au courant des avancées scientifiques sous forme d'un feuilleton, en fait. Chaque semaine, il y a 3 ou 4 pages, par exemple, qui vont parler de la dernière théorie de Helmholtz, ou aussi de la théorie de Maxwell, la théorie de Hertz, pendant plusieurs mois. C'est vraiment une... Donc il y a un lien direct entre les travaux de recherche et l'information des ingénieurs. Tout à fait, oui, parce que surtout en France, parce que la formation des ingénieurs français est plutôt théorique. Les ingénieurs ont en général fait l'école polytechnique avant, ou des grandes écoles d'ingénieurs françaises, et ils souhaitent se tenir informés des avancées théoriques. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu La Lumière électrique, un article de La Lumière électrique, c'est qu'il y a un article qui parle des lampes à arc et des systèmes, notamment du système Einstein de lampes à arc. Et Einstein, c'est le père. Jacob, c'est l'oncle. C'est l'oncle. Et l'article suivant porte sur le principe de moindre action dans la théorie de Helmholtz de l'électrodynamique. Et Einstein, en 1898, travaillera sur le principe de Helmholtz, principe de moindre action. Mais là, vous parlez d'Albert. Et là, je parle d'Albert. Effectivement. Donc voilà, il y a cette proximité. Donc, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que Albert Einstein fait partie d'une famille, d'un milieu dans lequel toutes ses inventions, toutes ses découvertes sont présentes par le biais de magazines, de revues et de l'activité du père d'Einstein et de son frère, le frère d'Einstein. Oui. Qui fabrique de tels instruments et qui dépose des brevets eux-mêmes. Exactement. Il le faisait déjà à Munich, je crois, mais ça a mal tourné. Alors, disons que je crois qu'effectivement, il ne parvient pas à avoir le marché de la ville de Munich pour l'éclairage public. Ce qui explique qu'en 1893-1894, ils choisissent de transférer leur activité, qui était une activité qui était quand même assez importante, puisqu'il y avait, je crois, jusqu'à 200 salariés dans leur usine, pour aller en Italie du Nord, où il semble qu'il y ait un accueil plus favorable pour justement le développement de l'électrification. L'Italie cherche à combler un petit peu son retard industriel sur les autres grands pays, après avoir fait son unification dans les années 1860. Et donc, ils sont, je pense qu'ils accueillent favorablement les entreprises étrangères qui sont susceptibles d'amener leur savoir-faire. Alors, revenons à Albert Einstein, oui. Le jeune, donc il a 15-16 ans, Christian Bracco. Outre les randonnées à vélo, à pied qu'il fait dans les Alpes, oui. Notamment, quelle est son activité intellectuelle? Sa sœur Maya raconte qu'il était concentré, qu'il arrivait à faire des calculs, par exemple, dans une pièce, alors qu'il y avait autour de lui beaucoup d'animations, de discussions, sans que ça semble le perturber. Oui, ça semble être un peu une constante, quoi. Effectivement, ce pouvoir de se soustraire à son environnement pour se concentrer pleinement sur ses questionnements scientifiques. Alors, il n'a pas le bac, hein, puisqu'il a démissionné du lycée allemand. Voilà. Et il envisage, qui lui recommande de se présenter au concours d'entrée de l'école polytechnique de Zurich. Alors qu'il a 2 ans d'avance par rapport aux candidats normaux, voilà, si j'ose dire. Voilà, il a 2 ans d'avance puisque l'âge légal est 18 ans et puis il n'a effectivement pas de diplôme de fin d'études secondaires. Alors probablement, c'est son oncle Jacob qui l'oriente vers le TH. D'un autre côté... Le TH de Zurich, c'est le nom actuel de l'école. C'est le nom actuel de l'école, mais qui, de 1911, je crois, effectivement, Einstein, dans ses lettres, Albert l'appelle le Polytechnicum. Donc, c'est l'école polytechnique. Il est possible que la vocation naisse assez tôt, probablement vers ses 12 ans, même si ça peut paraître un peu étrange, parce que je crois qu'il y a un événement important, c'est l'exposition internationale de Francfort de 1891, internationale électrique. C'est à cette exposition à laquelle Einstein participe, après avoir participé à celle de Munich en 1882, qu'Albert est certainement présenté à Galileo Ferraris, qui est le père de l'électrotechnique internationale, qui est un ingénieur, un professeur italien de Turin, du Muséo Industrial de Turin, et peut-être aussi qu'il entend parler de Weber, Heinrich Friedrich Weber, qui sera son professeur à l'ETH en électrotechnique et en physique. Et Weber supervise à l'exposition de Francfort de 1891 la commission de vérification de la première ligne de transport de courant alternatif qui relie Laufen am Neckar à Francfort et qui est longue de plus d'une centaine de kilomètres. Et Ferraris est celui qui a permis ce transport du courant alternatif du fait de l'étude et de la diffusion qu'il a encouragé du transformateur qui permet d'élever la tension pour la transmission du courant, et donc de diminuer les pertes en ligne par effet Joule. Donc voilà, c'est dans cet environnement que Albert Einstein demande une lettre de recommandation à Galileo Ferraris pour avoir une petite recommandation privée auprès de Weber, justement, pour pouvoir suivre ses cours à l'école polytechnique de Zurich, au cas où il ne puisse pas y entrer, n'ayant pas l'âge requis. Donc il savait très précisément ce qu'il voulait faire, en fait. Il savait très précisément ce qu'il voulait faire. Peut-être aussi y a-t-il l'idée de la part de la famille, hein, qu'il prenne la suite, la relève de l'entreprise familiale, et qu'il suive une bonne formation. Albert ne souhaitait certainement pas retourner en Allemagne à ce moment-là. Et l'école polytechnique de Zurich était une très bonne école où les cours étaient en allemand, mais aussi en français, potentiellement en italien ou en anglais. Christian Bracco, vous connaissez la règle de l'émission. On va passer un morceau de musique que vous avez choisi. Et le premier que vous nous avez recommandé, c'est la sonate à Kreutzberg de Beethoven. Voilà, alors nous allons l'écouter et ensuite vous expliquerez votre choix. Thank you. Christian Bracco, sonate à Kreutzer de Beethoven. Alors, je devine les raisons de ce choix, mais je préfère que vous les disiez vous-même. Mais écoutez, c'est l'une des pièces que l'on sait avoir été jouée par Albert au violon, hein, qui était effectivement un violoniste avéré et très très très compétent. C'était un de ses morceaux préférés. Beethoven, en dehors du fait qu'Einstein était très attiré par cet auteur, c'est aussi à Milan, à l'époque, le compositeur dont la société du quartet de Milan, avec laquelle Albert Einstein, la famille Einstein, a des liens, cette société a pour objectif, à la fin du 19e siècle à Milan, de diffuser au public italien les œuvres de ce compositeur qui sont encore, semble-t-il, assez mal connues. Donc c'est Bernardo Hans Bacher, qui est un ami de Hermann Einstein, qui fait partie de la société, voilà, le père d'Albert, qui fait partie de la société du quartet de Milan. Et son fils Luigi, qui est un ami d'Albert, qui se chargera de l'entreprise de Hermann Einstein, donc le père d'Albert, à la mort de Hermann en 1902. Luigi est aussi un musicien avéré avec lequel Albert et Maya entretiennent des relations amicales et musicales. En fait, la mère d'Einstein était pianiste. Était pianiste. Et elle avait offert à Albert, à l'âge de 6 ans, un violon. Il avait suivi des cours en rechignant parce que l'enseignement qui lui était proposé était assez mécanique. Et c'est en écoutant Mozart, je crois, et peut-être Beethoven. Voilà, à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, qu'il a compris que c'était pas une simple affaire de technique, mais que la musique permettait une sorte d'accord entre le monde extérieur et le monde intérieur. Il dira plus tard, je pense souvent en musique. Je vis mes rêveries en musique, je vois ma vie en termes de musique, le violon est l'une des plus grandes joies de ma vie. Mmh. Oui, tout à fait. Et alors, pour revenir à cette période milanaise, où est-ce que vit la famille Einstein et... Alors, la famille arrive à Milan, ensuite l'entreprise elle-même, le lieu de production de l'entreprise est à Pavie, à une quarantaine de kilomètres de Milan, au sud de Milan. Mais l'entreprise a des bureaux à Milan et à Turin. L'entreprise est revendue en 1896, donc 2 ans plus tard à sa création. Et la famille s'installe définitivement à Milan, alors dans un appartement princier, on va dire, hein, qui est l'appartement de la comtesse Clara Maffei, dans un immeuble qui appartient au prince Luigi Alberico Trivulzio à Milan. Donc c'est un très grand appartement. 11 pièces, dont 2 salons qui communiquaient par une grande arche. Pour 4 personnes. Voilà. Donc c'est assez étonnant, surtout qu'à l'époque, Maya dit que la famille n'avait presque plus rien. C'est pour ça que, bon, j'ai pas trouvé d'indice particulier, mais ça rejoint un peu l'idée que la venue de la famille Einstein en Italie est quand même favorisée par des cercles industriels et politiques liés au Risorgimento, puisque la comtesse Clara Maffei entretenait un salon qui était fréquenté par notamment Verdi, mais aussi beaucoup d'industriels et de futurs hommes politiques italiens liés au Risorgimento. Dont Colombo, qui était le directeur de l'école polytechnique de Milan, qui a été président de l'Académie des sciences de Lombardie et qui est le fondateur de la compagnie Edison pour l'Italie, donc compagnie électrique italienne. Donc voilà, c'est dans cet environnement, je crois que... Donc Einstein était déscolarisé, mais il baignait dans un milieu d'intellectuels, d'industriels. Oui, il dit lui-même à Milan qu'il joue avec Giovanni Barbaris, qui est le directeur de la compagnie pour le développement de l'électrification en Italie, qui est le patron de son ami Michele Besso aussi. Alors on reviendra sur Michele Besso, bien sûr, mais alors il passe le concours finalement de l'école polytechnique de Zurich. Ça, c'est un peu le mystère. Il cherche à entrer à l'école en 1895, comme on l'a dit, lorsqu'il n'a pas terminé ses études secondaires. Donc, il y a la lettre de recommandation de Ferraris. C'est aussi le moment où il rédige un mémoire scientifique assez étonnant pour son âge, hein, à 16 ans, je veux dire, sur les recherches sur l'état de l'éther dans un champ magnétique. Où il se demande si l'effet d'un champ magnétique peut modifier la vitesse des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'éther à l'époque. Puisque l'éther, c'est le milieu qui remplit l'espace et qui vibre au passage de la lumière. Tout à fait. Et à l'époque, personne ne doute de l'existence de ce substrat, en quelque sorte. Et donc, il y a un traitement de l'éther élastique, on va dire. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est au carrefour des préoccupations des professeurs de l'ETH, comme Albin Herzog, le directeur de l'ETH, ou Weber, qui est le professeur d'électromagnétisme. Et il est possible que ce mémoire, rédigé à cette période-là, soit destiné un petit peu à montrer un peu les aptitudes d'Albert, hein, qui est considéré... Est-ce qu'il est publié, ce mémoire ? Il n'est pas publié. On l'a parce qu'il a envoyé, je pense, une copie à son oncle César Cor, à Bruxelles, l'un de ses oncles préférés. Maternel, effectivement. Le frère de sa sœur. Exactement. Mais les circonstances sont liées, en tous les cas, à cette période où il cherche à entrer à l'École Polytechnique. Le directeur de l'école, finalement, maintiendra son opinion qu'Albert doit d'abord compléter ses études secondaires, ce qu'il ira faire à Arreau, dans le canton d'Argovie, pas très loin de Zurich. En Suisse. Avant d'entrer l'année suivante, mais je crois sans avoir à passer d'autres formalités. Ce que ça montre, c'est qu'il est déjà fasciné par la lumière, la question de sa propagation, de sa nature, oui. Qu'il veut reprendre des études, mais dans un système qui n'est pas allemand. Oui. Donc il va en Suisse dans une école où il y a des méthodes pédagogiques un peu plus libérales qu'en Allemagne. Voilà, effectivement. Donc à Arreau, il rencontre la famille Winteler, de Jost Winteler. Qui est directeur de l'école. Qui est le directeur de l'école et quelqu'un de très érudit. Je crois qu'une de ses œuvres avait été notamment citée par Stefan Zweig. C'est quelqu'un vraiment, c'est un milieu, là encore, très particulier, et avec une ouverture d'esprit. Et une liberté dans l'apprentissage et dans la diffusion de la connaissance qui devait beaucoup plaire à Albert. D'autant qu'il est logé chez le directeur de l'école, oui. Qui a 7 enfants, dont une fille, Marie, dont il tombe amoureux. Voilà. Alors la jolie Marie, effectivement, dont Albert, avec qui Albert, elle, joue du piano, lui du violon. Ils se fréquentent un peu. Mais finalement, quand Albert sera à l'ETH de Zurich, il rencontrera la seule fille de l'école, qui est dans la même classe que lui, qui est Mileva, et qui, du point de vue scientifique, pourra entretenir des discussions avec lui. Alors, dans cette école, il apprend beaucoup de choses, notamment le français. Il rédige une copie lors d'un examen, dont je vais lire un extrait, qui lui a valu la note de 3 sur 6. Oui, donc intermédiaire. Intermédiaire, et voilà ce qu'il écrit, qui montre qu'il savait quelle était sa véritable vocation dès cet âge-là. « Si j'avais le bonheur de passer heureusement mes examens, j'irais à l'école polytechnique de Zurich. J'y resterai 4 ans pour étudier les mathématiques et la physique. Je m'imagine de devenir professeur dans ces branches de la science de la nature en choisissant la partie théorique de ces sciences. C'est tout naturel. On aime toujours faire les choses pour lesquelles on a le talent. Puis c'est aussi une certaine indépendance de la profession scientifique qui me plaît beaucoup. Mmh. » Fin de citation. Il l'a donc écrit en français, il avait parfaitement conscience de ce qu'il voulait faire finalement. Oui. Disons que vraiment l'attente. Arreau, c'était une attente par rapport à l'entrée à l'ETH qui devait avoir lieu, qui était une sorte de promesse en fait de la part de Herzog certainement. Pour la rentrée 1896. Et c'est là qu'il fait une expérience de pensée, c'est-à-dire il imagine une situation physique en postulant certaines théories vraies pour voir ce que ces théories impliquent dans la situation qu'il imagine. Et en l'occurrence, il se demande ce qu'il percevrait s'il était à cheval sur un rayon lumineux. Alors effectivement, c'est ce que... C'est une phrase qui est écrite dans la gare d'Arreau. Il y a un mur qui explique que c'est à cet endroit-là qu'Einstein a eu cette idée qui sera très féconde par la suite. Alors, c'est vrai, est-ce que la lumière se propage encore à la vitesse C quand on chevauche un rayon lumineux, ou au contraire, est-ce qu'elle apparaît figée ? Voilà, donc c'était un peu le questionnement d'Albert. Alors, c'est des questionnements qui, à mon avis, sont déjà liés à sa rencontre avec Michele, ou en tous les cas avec les discussions avec Michele Besso, puisque en 1945, Michele, au détour d'une lettre à Albert, lui dira... n'est-ce pas notre discussion d'il y a déjà 50 ans, donc ça se situe aux alentours de 1895 ou 96, on n'est pas à un an près, entre Newton et Huygens. Donc entre description corpusculaire et description ondulatoire de la lumière. Corpusculaire, c'est Newton, ondulatoire, c'est Huygens. Voilà. Vraisemblablement, Albert est intéressé par la nature de la lumière. Il est aussi par la nature du courant électrique. Dans ce milieu d'ingénieurs où les gens manipulent du courant électrique à longueur de journée, ils n'ont pas de représentation à cette époque-là du courant électrique. L'électron n'est découvert qu'en 1896-97 par Thomson. Donc il résonne avec des schémas de pensée qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais qui leur permet. L'électricité, c'est le courant, c'est une sorte de fluide. C'est... Oui, certainement, oui. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, il rentre finalement à la fin de cette année de scolarisation à RAO, à l'École Polytechnique de Zurich. Oui. Il rencontre Bessot, Michele Bessot, que vous venez de citer, qui sera son grand ami tout au long de sa vie. Tout à fait, oui. Et on connaît les circonstances de leur rencontre. Bessot a 6 ans de plus qu'Einstein, donc ils ne sont pas dans la même école au même moment. Alors, la rencontre, donc, c'est Pierre Speciali a eu accès à des documents originaux et a discuté avec le fils de Michele Bessot, qui était Vero Bessot, dans les années 1950-1960. Il a rencontré Michele Bessot lui-même. Et Speciali situe la rencontre aux alentours de 1896, avant ou après l'entrée à l'ETH de Zurich. Voilà, donc ça, c'est pas encore très précis. Maintenant, les circonstances sont liées à un milieu familial et à des amis communs, puisque Michele Bessot a un oncle, Vittorio Cantoni, qui a développé les transformateurs pour le courant alternatif sur la ligne Rome-Tivoli, la première ligne de transport de courant alternatif italien. Donc il y a vraiment un milieu commun, un milieu intellectuel et professionnel commun, au carrefour duquel se situe la rencontre. Alors à l'École Polytechnique, il dira plus tard que l'impertinence y a été son ange gardien. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il s'est comporté avec les professeurs? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 4 années à Zurich? Alors, l'impertinence, certainement, il veut peut-être... vis-à-vis de Weber, je crois que... Weber, c'est le professeur dont vous parliez tout à l'heure. D'électromagnétisme. Certainement, Albert le trouve peut-être un peu trop classique. Dans les écoles, on enseigne en fait des connaissances bien établies et pas forcément les dernières théories en vogue. On n'enseigne pas les équations de Maxwell. Et en l'occurrence, sur le continent du moins, les équations de Maxwell commencent à pénétrer dans le milieu de l'enseignement. Les premiers cours sur le sujet sont faits par Poincaré à la Sorbonne en 1891-92, des cours qui sont ensuite traduits en allemand, parce que justement ils exposent la théorie de Maxwell dans la perspective des travaux de Helmholtz de l'époque. Ensuite, Drude écrit un livre en 1894. Mais voilà, c'est des choses qui pénètrent lentement dans le milieu. Hein. Les équations de Maxwell datent déjà de 1870. Elles ont 30 ans. Ça fait déjà. D'ailleurs, il paraît qu'Einstein a dit plus tard, le meilleur endroit pour venir mourir est la Suisse, car tout s'y produit 30 ans plus tard qu'ailleurs. Voilà, c'est l'occurrence. Mais ceci dit, il est très intéressé par, d'après les souvenirs de son camarade de promotion Louis Colros, il est très intéressé par les cours de Hermann Minkowski qui portent sur la capillarité à l'époque, donc sur la théorie mathématique finalement de la capillarité dans la lignée des travaux Minkowski qui était professeur de mathématiques mais qui avait aussi hésité je crois à un moment entre mathématiques et physique et qui avait travaillé un petit peu À l'époque avait un jugement assez négatif je crois sur Einstein, il trouvait qu'il était un peu dilettante. C'est qu'après rétrospectivement, oui, il le dit. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que ça porte sur les cours sur la capillarité ou Minkowski devait faire aussi d'autres cours, je pense, à l'ETH, plus mathématiques voilà. Après coup, Minkowski reconnaîtra qu'il s'est trompé sur Einstein. Mm-hmm. Il reconnaîtra son génie en 1907, je crois. Il développera lui-même la théorie de l'espace-temps, qui est la conséquence de la théorie de la relativité. Oui, tout à fait. Mais Einstein, je crois, n'était pas très assidu au cours de Minkowski. Alors, je pense aux cours mathématiques. Parce que sur la capillarité, en tous les cas, il a l'air d'avoir accroché. Et pour moi, la capillarité, c'est aussi en lien avec l'environnement scientifique d'Albert à Pavie. Mais peut-être on en parlera après. Ouais. On a l'impression qu'il s'intéresse à tous les sujets. Exactement. La lumière, la capillarité. Ça, c'est très étonnant. Effectivement, c'est sa capacité à nourrir des questionnements sur plusieurs sujets en parallèle. Et ensuite, à éventuellement faire des connexions entre des domaines qui semblent a priori disjoints. Il le dit très bien à Mileva dans une lettre de mars 1901, je crois, où il dit que le soir, il discute à Milan avec Michele Bessot de la séparation essentielle de l'éther et de la matière, du repos absolu, des phénomènes de surface, donc de capillarité, de la dissociation. 1901 à Milan, alors qu'il était étudiant à Zurich, ça veut dire qu'il passait ses vacances en famille à Milan. Voilà, alors c'est un peu la continuité en fait. Les historiens avaient bien regardé ce qui s'était passé à Zurich, effectivement, où il passe l'essentiel de son temps de formation à l'école polytechnique. Mais il retourne effectivement tous les semestres, pendant un mois et demi, il retourne voir sa famille à Milan. Et donc il écrit à Mileva, et c'est comme ça qu'on a pu garder trace de leur correspondance. Exactement, c'est grâce à la correspondance qu'il a avec son ami qui va devenir sa future femme en 1903, et aux allusions scientifiques qui sont dans les lettres qu'il lui écrit, hein, où il parle un peu de comment on peut le faire, comment on peut l'imaginer. Oui, mélange des déclarations d'amour et des idées de science ou des lectures qu'il a faites. Des déclarations d'amour, des choses de la vie quotidienne, et puis effectivement des travaux, des questionnements scientifiques qui lui préoccupent et qui touchent tous les domaines. Donc en plus de ceux qu'on a cités avec Michele, il s'intéresse aussi à la conduction électrique et thermique des métaux, en lien avec le diplôme d'études de fin d'études de Mileva, et à la nature de la lumière, avec les quantas de Planck, dont l'article fondateur des quantas au sens de discrétisation de l'énergie sur la matière, avec la matière, de l'absorption de la matière, est paru dans la même revue Annalen der Physik, dans le même numéro de mars 1901, que le premier article d'Albert sur la capillarité. Donc il a écrit en fait un premier papier en sortant de l'école. C'est ça, voilà, il sort en 1900, il est diplômé à l'été 1900, il embraye assez rapidement tout de suite en octobre sur une thèse qui porte sur les forces moléculaires, et il publie un premier article sur ce que l'on peut déduire des phénomènes de capillarité pour les forces moléculaires, justement, et qui est paru dans Annalen der Physik. Donc il obtient son diplôme, hein, avec des notes plutôt satisfaisantes, oui. Il n'est pas le mieux classé. Non, mais enfin... Il n'a pas de lettre de recommandation qui lui permette d'avoir un poste universitaire. Oui. Et il dira dans son autobiographie, « Bon gré, mal gré, on devait, pour les examens, se bourrer la cervelle de tout ce qu'on nous demandait de retenir. Cette contrainte avait eu sur moi un effet si négatif qu'après avoir passé l'examen de sortie, je fus dégoûté de l'étude de tout problème scientifique durant une année entière. » Ceci dit, bon, il commence sa thèse. Il a commencé une thèse, mais il n'a pas terminé. Voilà, effectivement, c'est une première thèse qui ne va pas terminer et dont il demandera le remboursement de ses droits d'inscription en février 1902. Il faudra attendre l'année 1905 pour que, toujours avec le même directeur de thèse qui est Alfred Kleiner, à l'université de Zurich, il soutienne sa première thèse. Bon, ça nourrit un certain nombre de questionnements. Si je peux revenir simplement sur ce premier article, il y a une idée qui est très jolie que Albert cherche à mettre en avant. C'est l'idée que les forces d'interaction dans la matière, pour la cohésion de la matière, sont des forces analogues à la gravitation, sauf que la loi avec la dépendance, avec la distance, doit être différente. Bon, c'est des choses que les gens admettent à l'époque, hein. Et il imagine que chaque élément chimique est doté de coefficients spécifiques qui vont jouer le rôle de masse pour la gravitation, mais qui vont jouer ce rôle-là pour ces lois d'interaction, et que donc, pour des éléments donnés, ces coefficients sont spécifiques de l'élément en question. Il y aura en quelque sorte des masses chimiques C'est ça, des masses chimiques responsables de l'attraction, et donc il cherche à mettre ça en évidence en croisant une approche énergétique à la fois mécanique et thermodynamique du problème, et en se servant des tableaux de mesure qui sont disponibles à l'époque. Mais alors qu'est-ce qu'il fait, Einstein, entre la sortie de l'école polytechnique de Zurich et puis le moment où il acceptera de travailler à Berne, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle? De quoi vit-il? Alors c'est effectivement le problème, comme vous le disiez, ses collègues de promotion qui sont diplômés en mathématiques ont tous un poste d'assistant, où ils peuvent commencer leur thèse de manière sereine. Albert et Mileva étaient dans la section physique. Mileva n'obtient pas son diplôme. Elle redouble l'année suivante, mais n'obtient toujours pas son diplôme. Albert, lui, l'obtient. de manière très satisfaisante. Peut-être avec une faiblesse du côté de la physique expérimentale, parce qu'il y a peut-être un peu une incompatibilité d'humeur avec son professeur Weber. Surtout Pernet, je crois, Le responsable. Donc il ne suivait pas les consignes dans les travaux pratiques. Voilà. Et puis après, Albert se demande effectivement si Weber n'est pas pour quelque chose dans le fait qu'il ne trouve pas de poste d'assistant. Bon, après, je ne sais pas effectivement quels sont les tenants et aboutissants, mais ça ne va pas l'empêcher de commencer sa thèse. Effectivement, en dehors, on va dire, du milieu universitaire, mais tout en n'étant pas coupé du milieu universitaire. C'est un peu ça la subtilité. Il continue à baigner, grâce à sa famille, à la famille de Michele Besso, dans un milieu universitaire. Il a accès à des sources bibliographiques comme n'importe quel universitaire, notamment à Milan. Dans les lettres à Mileva, on voit qu'il consulte les Annalen der Physik, et la bibliothèque où il peut consulter les Annalen der Physik, c'est la bibliothèque de l'Institut Lombard, l'Académie des sciences et des lettres de Lombardie, où l'oncle maternel par alliance de Michele Besso est membre effectif, qui est professeur à l'école polytechnique en mathématiques, qui joue un peu le rôle de protecteur d'Albert à Milan. Donc il est quand même dans ce milieu scientifique, il discute avec Michele Besso, qui est quelqu'un de remarquable du point de vue scientifique, qui est un peu son aîné et qui filtre un peu, on va dire, les idées d'Albert. Albert dira de lui qu'il a été la meilleure caisse de résonance de toute l'Europe. Oui, et puis Michele Besso se définit lui-même, on le voit dans votre livre, comme un pygmée. Voilà. Par exemple, un pygmée voyant. Voilà, c'est ça la subtilité, effectivement. Il dit un pygmée ou un pygmée voyant, ou c'est comme la métaphore que vous aviez effectivement discuté aussi sur le moineau et l'aigle. On retrouve un peu cette... Oui, c'est un aigle et moi je suis un moineau, mais quand parfois le moineau peut s'élever un tout petit peu au-dessus de l'aigle, parce qu'il est porté par lui. Voilà. Donc c'est toute une interaction qui a parfaite, très, très humaine en fait, une complicité entre ces deux êtres. Alors, il faut quand même qu'il vive. Il a du mal à vivre, d'autant que son père meurt, Hermann meurt en 1902. Il ne peut plus l'aider, donc il a quand même une période de vache maigre. Voilà, et la période de vache maigre, il comprend en avril-mai 1901, qui est la période aussi d'une très grande intensité intellectuelle pour lui. Il comprend qu'il ne peut pas rester à la charge de ses parents, donc il est prêt à trouver... Il a 22 ans. Il a 22 ans, il est prêt à trouver un métier dans les compagnies d'assurance, en demandant au père de Michele, justement... Parce qu'il connaît bien la statistique. Voilà. Effectivement, il connaît bien la statistique, il applique justement dans son premier article une technique des moindres carrés qui est quand même assez peu répandue à l'époque, qui montre qu'il connaît bien ces pratiques-là, qui sont utilisées par les compagnies d'assurance notamment. Donc il voudrait pouvoir faire vivre un peu, et puis avec Mileva, avoir un avenir, envisager un avenir commun. Donc il va remplacer un professeur de l'école technique de Winterthur pendant 2 mois. Et ensuite, il va devenir professeur dans une école pour donner des cours particuliers, pour former un étudiant qui veut rentrer à l'école polytechnique de Zurich, l'école du docteur Nuesch à Schaffhausen, où il va rester jusqu'en janvier. En fait, au moment où il va retirer sa thèse, voilà, qui est un moment un peu tumultueux dans sa vie, et qui est un peu une coupure qui va précéder finalement le poste qu'il a à Berne, en février 1902, par l'intermédiaire du père de son ami Marcel Grossmann. Qui était étudiant avec lui à Zurich. Qui était étudiant avec lui à Zurich et qu'il retrouvera effectivement en 1913 pour son célèbre premier papier sur les prémices de la relativité générale. Donc il s'installe à Berne avec Mileva. Alors, Mileva le rejoint en 1903, oui, je pense. Oui, assez vite, oui, il s'est installé. Et donc, il travaille pendant plusieurs années à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Et son métier, c'est d'examiner des brevets déposés ou envisagés par des ingénieurs sur toutes sortes de questions, la plupart étant liées à l'électromagnétisme. Voilà, alors il est spécialiste, il est notamment sur la thermodynamique également, vu que ses premiers articles ont porté sur la thermodynamique. 1902-1904, il a travaillé sur une approche statistique de la thermodynamique, donc il est un peu spécialisé sur ces problématiques-là, l'électromagnétisme également. Alors, le bureau est récent, il a été créé en 1888, et c'est justement toute l'histoire des brevets qui se développent sur le continent européen à la suite de la seconde industrialisation et de l'électrification. Donc les compagnies cherchent à se protéger, à protéger leurs inventions. Donc il n'est pas étranger, Albert n'est pas étranger à ce milieu-là. Hein, on l'a dit tout à l'heure, son oncle Jacob Einstein a eu 7 brevets publiés. Donc c'est quelque chose d'assez à la mode. Et par contre, Albert demandera à son ami Michele Besso de le rejoindre au bureau des brevets en janvier 1904. Voilà, et donc tous les deux vont travailler au bureau des brevets jusqu'à ce que Einstein, finalement, obtienne son poste de professeur à l'université de Zurich, en 1910-1911. Alors j'ai dit tout à l'heure, Christian Bracco, que Einstein n'appartenait à aucune académie officielle, mais il en a créé une. Voilà, alors un peu par dérision, mais aussi ça retranscrit effectivement l'Académie Olympia à Berne, avec son ami Maurice Solovin et les frères Abicht en particulier. Et ça montre un peu effectivement qu'il continue ce travail tout à fait, on va dire, académique, mais en marge du milieu scientifique. Donc pour moi, il n'est pas du tout anodin qu'il ait comme ami vraiment très proche Michele Besso, qui était quelqu'un de vraiment très compétent en sciences, qu'il ait épousé Mileva, qui était la seule fille qui faisait des études scientifiques à l'ETH à ce moment-là, certainement. L'une des rares filles, en tous les cas, à avoir entrepris au début, à la fin du 19e siècle, des études scientifiques, et qu'il fonde cette académie dans laquelle il va discuter quotidiennement au milieu de randonnées et de... Nous allons y revenir, Christian Bracco, mais avant, il faut écouter le second morceau de musique que vous avez choisi. Très bien. La sonate en sol majeur de Johannes Brahms. Christian Bracco, la sonate en sol majeur de Brahms. Est-ce qu'on sait si Einstein a joué ce morceau ? Oui, alors c'est le morceau qu'il a joué quand il était à l'école cantonale de Aarau pour terminer sa scolarité en 1895-96. Et son professeur de musique dit qu'un élève a particulièrement brillé en rendant un adagio de Brahms, qui est Albert Einstein. Donc il était aussi très bon musicien, finalement. Voilà. Voilà. Et donc là, je tiens à remercier mon ami Emmanuel de Zestré, qui a travaillé pour Harmonia Mundi et qui m'avait donné ces références-là par rapport aux indications qu'on pouvait trouver par ailleurs. Alors, dans cette Académie Olympia dont nous parlions, il y avait, oui, Einstein, évidemment, qui était trésorier et président. Il y avait Maurice Solovin. Oui. Il y avait Abicht, son ami. Et un peu plus tard, Maurice Solovin écrira à Einstein... En parlant de cette période, nous étions d'une joie débordante. C'est bien à nous que s'appliquaient ces paroles d'Épicure, la belle chose que la pauvreté joyeuse. Oui, oui, il y avait certainement des discussions très animées et très festives à ce moment-là, où ils évoquaient effectivement toutes les, comment dire, les ouvrages scientifiques qui avaient un certain écho à l'époque. Ils en débattaient de manière intense. Les ouvrages d'Henri Poincaré, de Ernst Mach. Entre autres. Alors, Hans Mach, Albert l'avait découvert un petit peu avant grâce à Michele Besso, donc les ouvrages de Mach, qui étaient un peu une critique de la science. Hein, critique de la physique newtonienne, notamment. Voilà, critique de la mécanique, hein, critique de l'espace absolu de Newton. Mais effectivement, l'ouvrage « La science à l'hypothèse » d'Henri Poincaré, mais d'autres ouvrages également, plus philosophiques, qui étaient de Hume notamment, qui étaient débattus entre eux. Alors par exemple, ils lisent « La science et l'hypothèse » de Poincaré, dans lequel on trouve cette phrase « Il n'y a pas de temps absolu. Dire que deux durées sont égales est une assertion qui n'a par elle-même aucun sens et qui n'en peut acquérir un que par convention. Non seulement nous n'avons pas l'intuition directe de l'égalité de deux durées, mais nous n'avons même pas celle de la simultanéité de deux événements qui se produisent en des théâtres différents. » Est-ce que ces phrases ont pu avoir un impact direct sur la pensée d'Einstein au moment où il formule la théorie de la relativité restreinte ? Déjà, pour situer ce texte d'Henri Poincaré qui paraît en 1902 dans la science et l'hypothèse, Henri Poincaré dit qu'il reprend une conférence, un texte de conférence qui s'appelait la mesure du temps, mais qu'il modifie un petit peu pour l'édition, qui date de 1898. Il faut voir aussi que en 1895, le physicien néerlandais Hendrik Antoon Lorentz avait introduit un changement de variable au sens mathématique du terme, dans lequel, quand on passe, alors aujourd'hui on dirait quand on passe d'un référentiel de Galilée à un autre référentiel galiléen, ou changement de référentiel inertiel, même si Lorentz ne fait pas vraiment de changement de cette manière-là, c'est plutôt une expérience de pensée qu'il fait, il utilise un changement de variable qui est que T', donc le temps dans le nouveau système, c'est T, le temps dans le système, on va dire, au repos, moins la vitesse d'un référentiel par rapport à l'autre, fois la distance qui sépare, x, divisé par le carré de la vitesse de la lumière. T prime égale T moins Vx sur C carré. Mais pour Lorentz, il ne s'agit là que d'une variable fictive, qui est là pour expliquer que les équations de l'électromagnétisme de Maxwell ne change pas quand on fait cette transformation. Quand on fait ces transformations-là, au moins les mathématiciens diraient au premier ordre en V sur C. C'est-à-dire quand on néglige tous les termes d'ordre supérieur, puisque la vitesse, c'est la vitesse de la Terre typiquement sur la vitesse de la lumière, c'est-à-dire c'est 0,0001. Donc c'est tout petit. Et quand on néglige les détails, ce changement de variable permet de laisser les équations de Maxwell invariantes et d'expliquer que par des mesures d'optique ou d'électromagnétisme, on ne peut pas mettre en évidence le mouvement de la Terre dans l'éther. L'éther est censé être immobile et donc la Terre peut avoir une vitesse par rapport à elle. Exactement. L'éther immobile qui servirait de référentiel absolu. Et c'est Poincaré qui, dans un texte paru en décembre 1900, qui est le jubilé pour le 25e anniversaire de la thèse de doctorat de Lorentz. Tous les plus grands scientifiques de l'époque sont chargés de préparer une communication et l'ensemble est publié dans un volume de près de 700 pages des archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles. Et alors que Poincaré vient de publier sa réédition de ses cours d'électricité et d'optique, il garde spécifiquement pour l'anniversaire de la thèse de Lorentz, il garde un article qui s'appelle « La théorie de Lorentz et le principe de réaction ». Où il va permettre à la théorie de Lorentz d'acquérir toute sa dimension. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'il dote le champ électromagnétique d'une densité de quantité de mouvement qui fait que dans les bilans d'émission de rayonnement par la matière, il y a conservation de la quantité de mouvement, ce qu'il n'y avait pas antérieurement dans la théorie de Lorentz. Mais tout ça pour dire qu'il fait aussi une analyse de cette relation T' égale T moins Vx sur C carré, et il dit que c'est un temps, le temps indiqué par des horloges d'observateurs qui se sont synchronisés en échangeant des signaux lumineux qu'ils pensent aller à la vitesse de la lumière, en n'ayant pas conscience de leur mouvement par rapport à l'éther. Et donc, quand on fait le calcul, hein, très simplement, on trouve effectivement cette correction Vx sur C carré. Donc le temps fictif de Lorentz devient objet d'une définition et de synchronisation pour Poincaré dans cet article. À condition qu'il y ait de l'éther. Disons qu'il ne fait pas de rôle mathématique chez Poincaré l'éther, ni dans les théories. Mais il dit qu'un jour on s'en passera. Mais il ne le fait pas explicitement. Il n'a pas besoin de le faire vraiment. Donc on en est encore au premier ordre ici en B-sur-C. Hein. C'est pas quelque chose qui est... Le processus de synchronisation d'Einstein en 1905 pour les horloges sera valable, lui, à tout ordre. Donc il tiendra compte non seulement des termes en V-sur-C, mais de tous les ordres supplémentaires à l'infini. Et je pense que ce que je voulais dire, c'est que le texte que vous avez rappelé de la science et l'hypothèse, c'est la version, on va dire, un peu philosophique de cette version mathématique qui est dans le Jubilé pour Lorentz, et qui est un texte que Albert a lu. Le Jubilé, je veux dire. Alors après, qu'il a été sensible ou pas dans sa jeunesse à cet article de Poincaré, c'est pas certain. Qu'il y revienne après coup, grâce à cet article de la science et l'hypothèse, peut-être, parce que de toute façon, on sait qu'en 1906, Einstein citera le texte de Poincaré que j'ai rappelé en 1901. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Voilà. 1901, 1906, entre les deux, il y a 1905. Voilà. L'année miraculeuse, comme je l'ai dit. On pose la question de savoir si c'est vraiment miraculeux. Est-ce qu'il y a une façon de comprendre la genèse des idées d'Einstein? C'est quand même une année où il publie dans la même revue, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre, 5 articles dont j'ai dit qu'ils étaient révolutionnaires, c'est bien le cas. Oui. Est-ce qu'on comprend, est-ce que vous comprenez, vous, l'historien, comment un tel feu d'artifice a été possible? Alors, si on est sur les aspects relativité, donc on voit que Albert, jusqu'en 1901, est encore sur une problématique de détecter le mouvement de la matière par rapport à l'éther. Donc il n'est pas dans la problématique de la relativité restreinte qui est, où il n'y a plus d'éther. Où il n'y a plus d'éther. Un acte qu'il fera par la suite. Ensuite, vous avez rappelé ce texte de Poincaré qui n'est valable que pour la formule de Lorentz au premier ordre. Alors peut-être une étape, à mon avis, importante, c'est que l'article de Lorentz de 1904, qui va donner la nouvelle formule du temps local, qui, elle, sera valable, enfin, de cette variable fictive, T', qui, elle, sera valable à tout ordre. Hein, cette nouvelle formule pour le T'. Alors, pour les gens qui connaissent, hein, on met en facteur un facteur 1 sur racine de 1 moins V2 sur C carré, hein, qui est le facteur de Lorentz. Même si Lorentz ne le fait pas sous cette forme tout de suite en 1904, il y a un compte-rendu dans les Bibletter, donc les suppléments, zu den Annalen der Physik, donc les suppléments aux Annales de Physique, qui datent du 15 au 28 février 1905. Donc c'est dans cette revue qu'est exprimée la nouvelle formule du temps local de Lorentz. Et c'est une revue dans laquelle Albert est référé. Il publie lui-même 8 notes de lecture, la quinzaine suivante, dans ses Bible Letters. Donc on peut penser qu'il a pris connaissance de cette nouvelle formule du temps local et qu'il a cherché à en définir le sens, puisque Lorentz, pour lui, reste toujours un changement de variable fictif. Et Albert dira plus tard, en 1907, en se repenchant sur la relativité restreinte, il dira « il suffisait de réaliser que le temps local de Lorentz était un véritable temps. » Et pas une variable fictive. Donc, c'est ce qu'il fait à tout ordre, avec la nouvelle formule de Lorentz, qui est une étape intermédiaire dans son calcul, d'ailleurs, dans sa démonstration, dans son établissement des transformations de Lorentz en 1905. Voilà. Donc, on peut penser que les discussions qu'il a à l'Académie Olympia, avec ses collègues, les discussions qu'il a aussi avec Michele Besso, qu'il remercie par ailleurs dans son article du mois de juin sur l'électrodynamique des corps en mouvement, qui est fondateur de la relativité restreinte, où il le remercie pour ses mains de suggestions, ont joué un rôle. Et effectivement, l'approche d'Albert en 1905 est très différente de celle que Poincaré développe dans sa dynamique de l'électron. Est-ce qu'on peut dire qu'il prend vraiment au sérieux les équations de Lorentz, les formules de Lorentz? Il les prend au sérieux en imaginant qu'elles nous disent des choses de la nature. Il cherche un sens, je pense. Oui, effectivement, cette formule, ce temps T', il a une signification, profonde, et Albert la trouve avec l'invariance de la vitesse de la lumière à tout ordre par changement de référentiel. Mais on arrive bientôt à la fin de notre temps, Christian Bracot, j'en suis désolé, mais il faut rappeler que l'année 1905, c'est pas simplement la relativité, il y a aussi l'article de Mars qui parle des quantas de lumière. Oui. l'article d'avril qui parle des dimensions moléculaires, l'article de mai sur le mouvement brownien qui va permettre d'établir la preuve de l'existence de l'atome, oui. Et puis l'article de septembre dans lequel on trouve avec d'autres variables la formule égale MC2. Donc c'est ça qui fait qu'on parle de miracle, voilà. C'est pas simplement le papier de juin 1905. Alors rapidement, donc la thèse de 1905 sur les dimensions moléculaires prend le contre-pied de sa première thèse, qui faisait justement l'hypothèse que la taille des molécules ne jouerait pas des rôles dans les processus d'interaction. Et cette thèse est rejetée. On peut penser qu'elle est rejetée probablement à cause de cette hypothèse, que l'on trouve aussi chez Reingenom dans le Jubilé pour Lorentz, qui pourrait conforter Einstein dans cette vision-là, mais qui est une fausse piste. Hein, Michele dira d'Albert, il faudrait que tu fasses l'histoire de la jeunesse de tes idées, fausse piste incluse, parce que ce serait très instructif. Mais Albert préfère regarder de l'avant, il ne le fera pas. Donc cette thèse de 1901 va servir à son travail de 1905, mais en négatif en quelque sorte, en mettant l'accent sur la nécessité d'examiner le rôle de la taille des molécules. Par rapport au quanta, Jürgen Rehn, donc, qui est un historien bien connu, un directeur du Max Planck à Berlin, a émis l'hypothèse que dès 1901, Albert Einstein avait une idée au moins qualitative des quantas lumineux. Et ça paraît tout à fait raisonnable. On le voit un peu dans les lettres à Mileva, justement, c'est sur ces lettres que Jürgen Rehn s'est basé, puisque c'est lui qui en a fait l'édition. Puisque on voit Einstein qui réfléchit en fait au processus d'émission de lumière. Il dit, si on reprend, un terme un peu technique, mais la loi de Wien du rayonnement du corps noir, qui décrit l'émission de lumière par un four porté à une certaine température, au moins dans le domaine des courtes longueurs d'onde, qui date de 1896, l'énergie cinétique des molécules est transformée en fréquence lumineuse. Et puis, Albert revient sur cette explication le 30 avril 1901 dans ses lettres à Mileva. En mai 1901, il dit à Mileva qu'il est séduit par le papier de Liénard, sur l'effet photoélectrique, qui explique que... On ne va pas pouvoir aller dans les détails, ils ont beaucoup de temps, mais la dernière question que je voudrais vous poser, c'est, en lisant votre livre, on voit tous les éléments de contexte qui ont permis à Albert d'apprendre et de découvrir ce qu'il a produit en 1905. Mais comment est-ce que vous définiriez son génie? En quoi tient-il? Dans l'esprit de synthèse? Dans l'audace intellectuelle? Alors, je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, par le fait qu'il traite plusieurs sujets en parallèle et de manière continue sur une longue durée. Et en les reliant les uns aux autres. Et effectivement, en créant des ponts qui sont inattendus. En tout cas, je vous remercie d'être venu, Christian Branco. Un point de vue singulier sur la physique. Je recommande la lecture de votre livre « Quand Albert devient Einstein », publié aux éditions du CNRS. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Théo Gomard et à la réalisation François Connac. Ensuite, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.